Ouais, c'est ça. Oui, parce que t'as besoin d'un homme pour le faire. Sans ça, t'as pas d'énergie pour le faire. Faut qu'il donne une femme pour le faire. C'est comme l'enthousiasme. Lui, ce qu'il veut dire, ouais, c'est quand tu mets toutes les conditions pour que ça marche, ça va marcher. Comment tu dis? Ouais. Selon ton intelligence, ça va dans le coup. Dans tout le temps, selon ton intelligence, ça va dans le coup. Évidemment, ça veut dire qu'il ne faut pas mêler les plans. Parce que là, on est en train de parler. On est encore sur le plan des intentions. Ça, c'est un niveau. Le niveau de la réalisation, c'est un autre niveau. C'est ça qui est capable du décalage dans le temps. Pour pouvoir mêler les plans. Si je veux faire un gâteau, vraiment, je prie Saint-Antoine, avec la meilleure intention d'aimer mes enfants, de mettre le meilleur gâteau, il faut que je prenne le malaxeur, la farine des œufs, tout ce qu'il faut pour que ça fasse un gâteau. C'est pas en mettant de l'amour dedans que ça en fait un meilleur gâteau, c'est pas vrai. Tu comprends-tu? C'est pas parce que je veux que ça marche que mon gâteau ne cassera pas dans le four si j'ai oublié de mettre de la poudre à beurre dedans. Faut savoir. Il faut savoir, puis savoir, c'est utiliser les conditions sur les plans où on veut réaliser quelque chose. C'est déjà. Bon, encore une fois. Mais si tu mets de l'amour avec, c'est que tu mets de la bonne fondation. On va faire du mourir. C'est ça. C'était simple comme avant, je dois pas jouer. Quand tu as l'idée de faire quelque chose, parce que... Ok, va prendre la blonde, par exemple. C'est une idée, c'est parce que... Les gens qui sont dans le domaine de la créativité mentale, pas dans le domaine du mécanique, mais dans le domaine de la créativité mentale, quand ils rentrent dans la conscience, ils s'aperçoivent que la créativité mentale n'est pas sous leur contrôle. C'est avec le temps, les changements vibratoires, blablabla, que la créativité mentale descend. L'ego, il a beau se péter à la tête, puis être créatif, faire des belles robes, vouloir faire des belles robes, elle passe pas d'énergie. Puis elle l'a vécu, elle. Là, ça commence un petit peu, là. Un petit peu. Puis elle peut pas appliquer tout ce qui passe par la tête. C'est vrai. Tu peux pas! La volonté de l'intelligence, ça n'a rien à faire avec l'ego. Ah, c'est évident que l'ego peut faire des affaires. Mais il y a des affaires puis des affaires. Tu peux-tu faire de l'art sans que ça soit astral? Tu peux, comme, créer une robe, tu peux faire ça comme, comme mental. C'est vrai mental, si on appelle. Créer une belle robe, là, ou un beau tableau, ça peut être très mental, ça. Ça part du plan astral, ça part du plan mental, c'est mental. Ça peut partir du mental. Ça part du mental et l'artiste va prendre sa toile, puis ça part du mental, il ne saura pas ce qu'il va faire. Il va le découvrir au fur et à mesure qu'il y a. Vous savez, ce qu'il nous dit, c'est quand il y a une question d'art. Parce que c'est pas l'ego qui dirige le pinceau. C'est bon ce qu'il dit. Vous savez, ce qu'il nous dit, c'est la question d'argent. Oh, les gens commencent à parler mon langage. L'argent, c'est la fondation même de la vie sur le plan matériel dans la civilisation au monde. Puis un homme qui n'a pas d'argent, il ne pourra jamais substituer son énergie astrale pour l'énergie mentale. C'est ça, moi, je sais. Pas si vous comprenez ça. Je sais ce que je veux dire. Je sais qu'il faut que je me ramasse de l'argent. Dans quel but je me suis fait une photo pour l'air, oui. Peut-être ça me tenterait. Pour l'instant. Je sais pas pour dans un an, je sais pas pour tout de suite. On est là, ma patience. On va dire une chose concernant l'argent. Les gens savent pas qu'est-ce que c'est de l'argent. L'argent, c'est une énergie. D'abord. Quand l'énergie de l'argent est utilisée mentalement, au lieu d'astralement, l'énergie de l'argent devient créative. Si elle est utilisée astralement, elle devient possessive, accumulative, destructive, tous les aspects négatifs de la conscience astrale. Mais si elle est utilisée mentalement, l'argent, l'énergie devient automatiquement créative, puis à ce moment-là, la conscience se servira de cet argent-là pour créer quelque chose. L'argent devient Peux-tu donner un exemple graphique, peut-être? Un exemple graphique? Oui. Pour payer tes dettes avant ta réincarnation. Créatif. Et puis là, on est dans le vin. Payer tes dettes. Je vais vous donner un exemple. Moi, l'utilisation d'argent. Vous va me prendre comme modèle. Moi, je fais de l'argent. Puis avec l'argent que je fais, je dis, qu'est-ce que je fais avec? Il dit, fais ça. Je sers tout le temps. Ça tourne. L'argent, il faut que ça tourne. Mais les gens, ça tourne pas l'argent. L'argent, ça reste dans leur affaire, ça devient, c'est pogné dans leur ego. Ça devient astral. Ça tourne pas. L'argent, ça devrait tourner. Mais le problème, c'est que l'argent, ça peut pas tourner avec des gens inconscients. L'argent, ça peut tourner seulement avec des gens conscients. Moi, j'ai acheté une propriété dans le Nord parce que j'avais des gens que je connaissais qui pouvaient m'aider à acheter la propriété dans le Nord. C'est ça, l'argent tournait. Puis la propriété est assez grande que les gens qui ont aidé à acheter la propriété, maintenant peuvent vivre sa propriété. C'est ça, toi? Puis avec notre créativité, on monte la propriété, fait que c'est rendu de plus en plus beau. Puis ceux qui étaient là-dedans, à cette heure, je peux travailler là-dedans. De sorte que l'argent revient toujours à nous autres. Fait qu'elle sort d'une poche, puis elle s'en va dans l'autre poche, puis elle s'en va dans l'autre poche, puis elle s'en va dans l'autre poche, puis elle revient en pleine poche, puis elle s'en retourne dans la poche. Autrement dit, on a créé un système économique fermé. Mais tu peux faire ça avec un vivant conscient. Là, j'ai un de mes amis qui était venu, il a lâché le fédéral, là, parce qu'il peut être un système de Yémi. Fait que là, il arrange les égouts. Fait que je le paye à ranger. Il peinture la maison, je le paye à peinture la maison. C'est ça, toi? Si j'ai besoin de l'argent, je te pose pas de l'argent, il m'en parle. L'argent, elle reste toujours en dedans, là. C'est un système économique fermé. Mais, faut que ça soit utilisé au niveau mental. T'investis-tu, dans la société ordinaire? Non. J'ai investi toujours dans ma société. Tout le temps dans ma société. Mm. Tout le temps. Si sa femme a besoin d'une robe, il n'y a pas d'argent, on lui donne l'argent. Mm. Elle a une robe. Fait que ça nous fait plaisir parce qu'elle a. Ça tout le temps. Mais ça, c'est l'argent et l'évolution. Ça peut avoir fini notre évolution. Ouais. C'est pour avoir payé pour les faut être libre. On peut pas être prisonnier d'un manque d'argent. Parce que l'argent, si on est prisonnier d'un manque d'argent, on a des tensions. Les tensions, tu vois, si tu veux fonctionner, c'est une tension. Tu peux pas fonctionner. Tu viens voir ça? C'est fort, c'est pas de l'argent. C'est vrai qu'ici, c'est ça, quand t'as plus de tension d'argent, t'as fait une tension de travail. Ça revient de faire la vente, puis d'attendre que ça va être plus grosse, plus grosse. Tu construis avec elle. Parce que ta psychologie change. Avec mon projet. Ta psychologie. Bon, OK. On va continuer ça. Il vient un temps dans la vie quand on se conscientise où on sait exactement ce qu'on veut. Puis comme on se conscientise, on s'isole. Comme on s'isole, on se crée une cabane. On se crée un terrain. Parce que je vous jure aujourd'hui que je vous donne pas 10 ans. Que chacun de vous autres, vous allez voir, votre petit plat de terre. Regardez bien ce que je vous dis. Je vous donne 10 ans, toute la gang, la maison. Dans 10 ans, il va vous poser l'idée dans la tête, j'aimerais ça, man. Puis encore là, c'est un projet. Parce que, je sais pas. C'est pas un projet dans ce temps-là, ça devient une nécessité. Ouais. Ça deviendra pour vous une nécessité. Tu as besoin. Ouais. Dans un an. Ça devient une nécessité. Quand ça devient une nécessité, toutes tes forces vitales s'en vont vers ça. Mais les gens savent pas ce qu'ils veulent encore parce que les gens sont pas suffisamment conscients. Et quand tu sais ce que tu veux, savez-vous qu'est-ce que je dis? Savoir ce qu'on veut. Savoir ce qu'on veut, ça veut dire savoir ce qu'on a besoin. Savoir ce qu'on a besoin, ça veut dire savoir ce qui est nécessaire pour que nos corps s'harmonisent. Fait que quand t'es rendu conscient, t'as plus besoin des clics de gogo à la bonne ville pour lancer des vibrations. Tout ce que veut. La seule chose qui balance tes vibrations, c'est la prise de paix. Fait que la paix pour vous, c'est telle chose, la paix pour lui, c'est telle chose, la paix pour elle, c'est telle chose, la paix pour lui, c'est telle chose. Ça, c'est la paix pour moi, c'est telle chose. Caché. C'est vous qui le savez, c'est ça. Chacun sait, puis chacun fait créativement selon ça. Fait que dans les mots, c'est un projet acceptable. Ça devient c'est un projet pour vous aujourd'hui, puis un jour, ça deviendra une nécessité, puis quand ça sera une nécessité, que ça se fera. Ah oui, je suis correct. Ça devient une priorité. Ça devient une priorité. C'est une priorité, il n'y a pas d'autre chose que ça. Mais ça me prend mon argent, ça ne m'arrivera pas en étant assis sur les pieds. Il n'y a rien qui nous arrive. C'est ça. Moi, je dis pas toujours ça. Rentabiliser. Oui, parce que c'est l'application mécanique de l'intelligence. Quand tu as 10 pièces, il faut que tu rentabilises ton 10 pièces. Ouais. Si tu as 10 pièces, il faut que tu une pièce qui fasse l'intérêt. Ça, c'est sa même vibration que l'argent. Mettons de l'argent qui fait de l'argent. OK? Mm-hmm. Ça, c'est le minimum que tu dois faire. Mm-hmm. Puis, ça se peut. Je ne me mettrai pas 10 pièces parce que ça peut être bon sens. Mais mettons que je mets 500 pièces. OK? Mm-hmm. Je peux le placer, puis faire de l'intérêt à, actuellement, mettons, à 19 ou 20%. Mm-hmm. Ça, c'est une chose. Puis, je peux aussi le rentabiliser en lui faisant faire de l'intérêt pour mon cul, m'acheter un beau fauteuil. Mm-hmm. Je le rentabilise parce que je m'en sers pour mon bien-être personnel. C'est ça. Puis après ça, puis plus je suis intelligente, plus je sais faire rentabiliser. C'est ça. Moi, c'est comme ça que je dirais. C'est pas, je dirais rentabiliser tout. C'est ça. L'argent doit être transmuté dans une valeur que vous avez de besoin. C'est ça. Puis moi, je dirais que quelqu'un qui est, quand même, qui me dirait qu'il est intelligent, quand il est pas capable d'administrer une scène, c'est just too bad pour moi, là. C'est vain spirituel pis ça marche pas. Ouais, c'est juste. L'intelligence, faut que tu sois capable de l'identifier comme pendant ta vie. Oui. Comment quelqu'un dirait, moi, j'ai de l'intelligence, je pourrais administrer 5 scènes. Ça, c'est que, écoute bien ça. Il dit que l'argent, ça doit rester en banque intemporellement. Jusqu'à temps que vous ayez suffisamment d'intelligence pour la concrétiser dans la matière, pour que vous ayez de la propriété, pour que vous puissiez devenir de plus en plus indépendant socialement. Probablement. Parce qu'il viendra un jour où vous serez, il y a rien qu'une chose qui va vous intéresser, c'est la paix. Là, c'est pas la paix parce que vous ne ferez pas de la paix. Fait que là, vous pouvez laisser en banque. On va être intérêts. Mais un jour, vous allez voir un plafond, pis c'est là que l'argent vous allez prendre, que vous avez fait des intérêts dessus, whatever, puis vous allez le mettre dans de la matière. Des murs, un toit, puis un petit gazon à côté. Au petit emballement. Puis votre petit job sous votre contrôle, parce qu'il y en a bien parmi vous autres qui, aujourd'hui, travaillent dans l'industrie, puis dans 10 ans, auront leur petit commerce. Le reste que vous dites. Parce qu'il y a un jour, vous pouvez travailler pour les autres. Pour une femme, par exemple, de s'installer et dire, je décide d'aller m'acheter une maison. Il n'y a jamais personne de seul. Plus vous avancez en conscience, plus vous allez rencontrer des gens avec lesquels vous pouvez faire des choses. Parce que vous serez dans la conscience. Une chose que j'aimerais que, donc, t'en as jamais parlé, là. Moi, je vois beaucoup de mouvements en ce moment de gens, là, qui ont en tête de former éventuellement des communes. OK? Au niveau de partager un environnement ou un lot de terre, les fermes à l'extérieur de Montréal sont rendues tellement dispendieux. Dans quelle optique? Les communes, c'est des illusions spirituelles. Parce qu'il va venir un temps, vous allez être tellement autonome, tellement confiant, tellement sensible à vos vibrations que vous ne pourrez pas sentir un chat. Vous allez pouvoir visiter les chats, mais pas vivre. Les communes, c'est des illusions spirituelles. Regardez toutes les communes, ils ont tout pété. Pas une commune qui a ta fille. Ni Oustus, ni qui ne passe. Ça ne peut pas ta fille. C'est commune parce qu'il y a de l'ego. Tout le monde veut venir. Plus tu te conscientises, plus tu deviens autonome. Tu veux la paix. Fait que les seuls gens avec lesquels tu peux avoir la paix, c'est ton mari, ton chum, tes enfants. Visiter les autres chats. Et quand les autres chats viennent rester chez vous, je ne peux plus. Non. Et pas capable de se suffire à soi-même. Il faut se suffire à soi-même, matériellement. Éventuellement. Mais tu peux faire un système économique fermé aussi. Ce qui est différent d'une commune. Tu peux faire un système économique fermé si tu es bien intelligent, tu es bien à volonté, tu saches tout. Tu comprends tout. Faut que tu prépares les gens à ça. Parce que dès qu'il y a de l'ego là-dedans, je regarde juste par exemple les femmes qui sont dans la maison, là. Pourquoi faire qu'il y avait des femmes qui sont mal à l'aise dans cette situation-là, bien qu'ils aiment bien ça rester à la maison, c'est qu'ils sont pas capables de monnayer ou de quantifier monétairement ce qu'il y a. Tu comprends-tu? C'est difficile, ça. Ils savent pas où ça commence, c'est fini. Il n'y a pas de pouvoir à la maison. C'est que je sais pas ce que je veux. Le problème des femmes à maison, c'est que les femmes à maison n'ont pas réalisé qu'est-ce que c'est être bien dans sa peau. Une femme à maison qui a réalisé qu'est-ce que c'est pour elle d'être bien dans sa peau, c'est à maison ou c'est au bureau, avoir des tensions. Parce que quand t'es conscient, ça n'a pas l'importance si t'es au bureau ou si t'es à la maison. Ce qui est important, c'est que tu sois bien tranquille. Ça, ça veut dire que c'est à la maison. Tant mieux si ton mari travaille, t'as besoin d'envoyer le travail. Mais les femmes aujourd'hui sont poignées dans l'illusion de la carrière pour atteindre une liberté qui est cause. Puis ils se font brainwasher par toutes les autres femmes. Les autres. Puis oui, yes. C'est que le point de vue réel, il est toujours intérieur. Mais on est sujet à des impressions extérieures, on se laisse influencer. Puis elle, moi, la fille à côté, elle travaille dans les bureaux, elle s'est acheté une charge. Puis toi, t'es en quoi à l'année bas de ton mari? Mais c'est évident que tu penses de même. Parce que t'es pas conscientisé, t'es pas centrique. Tu vas avoir des tensions. Mais si t'es rendu centrique, pis t'as peur. Parce que ton mari, puis toi, ça marche en harmonie. Puis tes enfants, tout d'affaires. Lave tes bas, pis ben. T'as besoin d'arrêter de machine à lui, là. Oui, ma femme, elle fait rien. Elle fait rien. Bébé. Elle fait rien parce qu'elle veut rien faire. Puis qu'il y a d'autres monde qui travaille. Elle veut rien faire. Eh bien, tout ce qu'elle veut faire, c'est voyager. T'as pas laissé ta maison. Elle prend les discapés. Elle est chie, elle veut rien. Elle fait rien. Puis elle est belle. Elle n'a pas de tension, puis elle fait rien. Elle est maudite, je suis bien. Mais elle avait des tensions, elle a eu des tensions avant. Elle a ouvert une compagnie, elle avait une compagnie. On dit, ben, la mort n'a pas besoin de travailler, pourquoi ça travaillerait? Parce que, je l'ai déjà dit, c'est anti-homme, travailler. Travailler, c'est anti-homme parce qu'on est obligé de travailler pour survivre. Puis l'homme n'est pas guéri encore pour vivre sans travailler. Parce que pour vivre sans travailler, tu sois bien mental. Parce que t'es tout nerveux. Tu sais que c'est anti-homme, puis en même temps, tu dis que ça fait partie d'une des quatre nécessités. C'est essentiel parce que l'homme doit en arriver à construire pour se protéger matériellement. C'est ça que le travail est important. Le travail est important. Que le travail, ou que vous êtes senti, les hommes nécessairement ne travailleront pas, ils créeront. Où je travaille pas? On peut arriver à se créer des besoins. Ah, c'est où je travaille? Plus restreint quand. Je travaille pas. Parce que je fais ce que je veux. C'est pas du travail quand tu fais ce que tu veux. Mais c'est quand tu finis de te lever le matin à 5h pour aller au bureau, faire face à un bain. Ça, c'est du travail. Mais on peut arriver à se contenter plus avec le temps, pour arriver à être plus indépendant du point de vue de l'hôtel, en travaillant comme temps partiel, pour arriver à être plus dans notre petit cocon, nous autres. C'est quoi le mieux? Moi, je peux pas me contenter de plus. Je peux, quand je suis capable de me contenter de plus, mais mon peu, il est pas mal grand. Je m'en allais là, ma fin de semaine, pour 3 jours. Parce que j'ai une objection consciente avec ma secrétaire. Ça grave mon cœur. Mais on peut arriver à se préparer pour. Ça revient tout dans mon pied intelligent. C'est pas dans les études, ça. On peut pas dire que quelqu'un est à la maison, il est bien à sa peau, puis il est correct. Non, on peut rien comparer sur vous. Tout revient à conscience, Julien. Tout revient à amour, dites conscience. Quand t'es conscient, t'es conscient. Si t'es conscient, t'es bien dans ta peau à faire telle chose, tu le fais. Telle chose, tu le fais. C'est pas les femmes qui doivent déterminer ton bien-être. C'est toi qui dois déterminer ton bien-être et te servir des femmes autour pour faire ça. C'est ça que les femmes vont comprendre. C'est pas faire ce qu'on fait, c'est parce que ce que je veux faire. C'est faire ce que tu veux faire. Puis ce que tu veux faire dépend de ce que tu peux faire. Puis ce que tu peux faire dépend de ton intelligence, de ta volonté. Ça vient d'où, l'intelligence? Pas l'amour. Bernard, moi, je trouve ça fréquent, rien faire. Faire rien. Ouais, mais quand je dis rien faire, je veux pas dire rien faire. Je veux dire pas être obligé de faire quelque chose. Non. Rien faire, c'est pas être obligé de faire quelque chose. Moi, je fais rien. Parce que je suis pas obligé de rien faire. Tu fais qu'est-ce qui... Je fais ce qui te tente. Oui, c'est ça. C'est ça que je veux dire. Ouais. Tu fais tout quelque chose. Tout que je veux faire. Le temps. Pas rien faire. Quand t'es conscient, Charlie, tu veux, ben, c'est qui veut faire quelque chose? Mais t'es pas obligé de faire quelque chose. Tu fais des vibrations. Voudrais-tu me montrer à reconnaître une vibration? Une vibration? T'as déjà dit J'ai déjà parlé de l'interception d'une vibration. Pour intercepter une vibration, il faut la reconnaître. Tu vas savoir avec ça. Tu veux pas me le montrer maintenant? Je pourrais te le monter, mais il faudrait que je crée un choc. Je vais pas faire. Mais tu vas le savoir avec le temps. D'ici un an et demi, tu vas le savoir. C'est grand chance. La vibration, c'est un terme qui a l'air spirituel. Ah, c'est pas spirituel. C'est spirituel, une vibration? Parce que, y en a beaucoup qui parlent comme ça, tu sais. Good vibes, pour te kid, tu sais. Une vibration, c'est une énergie puissante, cette énergie-là. Bien puissante. Puis à part de l'âme, puis à travers l'ego. Ça vient du sûrement. Hein? Ouais, ça vient. Puis quand t'es dans cette vibration-là, tu le sais. Puis quand t'es un changement vibratoire, tu le sais. Je ne peux pas vous donner un choc pour la faire passer. Un gars se fait éclairer par son patron. Il y a quelque chose qui se passe. Ouais, c'est la vibration. Ouais, j'ai pas compris. C'est la vibration. Ça ne goûte pas nécessairement à moi, vibration. Dans le fond, vous savez tout qu'est-ce que c'est une vibration. Vous savez tout. Ça, c'est des vibrations qu'on a. Est-ce qu'on peut expliquer ça? Qu'est-ce que c'est une vibration? Non, mais normal. Non, c'est des vibrations qu'on... Je peux te donner un exemple. Il m'a fait éclairer par mon patron. Tu me mets de l'or en porte, je suis content. Je vibre, je suis content. Au venant un orgasme, c'est la même chose. Il doit y avoir des vibrations, tu dis, quand ça descend. C'est quoi? Une vibration, là. Ouais. Une vibration, on le sent le plus dans la souffrance. Quand l'âme crée une situation, que l'ego est obligé de subir, là. Quand tu vis la vibration, c'est comme tu deviens fâché en dedans. Malaise. Tu deviens fâché. Moi, en tout cas, quand je vis la vibration, je viens fâché. C'est comme la vibration, elle désorganise mon cœur. Une mauvaise vibration, ça peut être comme l'anxiété. Il y a une vibration là-dedans. C'est dur, les vibrations. Mais tu parles de vie. C'est quand c'est comme un violon. On a des cordes. Mais on les sent pas tout le temps, les cordes. C'est quand on est bien sensibilisé, là. Puis c'est ça que la souffrance. C'est pour ça que la souffrance nous amène à sentir la vibration. C'est pour ça que je dis plus tu souffres, mais plus tu deviens conscient parce que plus tu sens la vibration. Et la vibration, c'est l'énergie de l'âme qui descend. Puis t'as ça. C'est concret comme moi, je touche. C'est tangible. Ah, c'est très tangible. C'est au niveau du plexus solaire, c'est au niveau du corps mental. C'est pas toujours plaisant. Une vibration, c'est plaisant. Une vibration, c'est pas plaisant. Quand, comme là, je suis bien, là, je sens pas de vibration, je suis bien. La meilleure façon de vous expliquer une vibration, là, c'est que tu sens la vibration quand tu souffres. Quand tu souffres pas, tu sens pas la vibration. Parce que tu es harmonisé, tu souffres pas. Mais aussitôt que tu as une souffrance, tu sens la vibration. Hein, Gégé? Disons qu'on parle ce soir, après la veillée, on va passer une belle veillée. J'ai bien aimé ça. On va peut-être pas se répéter ce que tu nous dis. Le fait de partir en harmonie, on est content. Est-ce que c'est une vibration? Oui. Une vibration, ça dérange tout le temps. Le fait qu'on a... Hein? Une vibration, ça dérange.

Tu sais, on parlait de l'affaire du 100$, mais j'ai bien aimé. Mais c'est fait que je charge 100$. Le break du free, cette affaire-là. Ça crée un choc de bonheur. Ça crée un choc pour ton dire si les gens pouvaient comprendre. Si les gens comprenaient, tu ne ferais plus rien. Il serait plus rien de ça. Ah. C'est ça la souffrance. Ça devient une souffrance de conscience. Souffre de niaiserie, de tu la même souffrance. Y en a-tu qui souffrent de niaiserie ou dit qu'ils souffraient pas avant? Fait qu'après 10 ans, 15 ans, j'ai l'impression que tu es comme de la porcelaine, tu manges de même, tu la fais attention. C'est la colère. Quand tu sais qu'on va sortir, ah, la colère. Ah, moi, tu sais qu'on va sortir, là, tu meurs, là, moi, je le sens que c'est frayant, là, tu sais, presque que tu ne fais pas ton mieux de travail, tu sais que t'es pas dans le fond des autres. Ouais. Mais c'est bien, bien frayant. C'est un peu comme ce que t'as expliqué tout le monde, que le tour là, qui a... Une magazine pour ça. Oui, la magazine pour ça. Devrais-tu me réexpliquer ça? Non, ouais. C'est qu'il touche pas la c'est que la porcelaine a tellement de vibrations que le tour là, on peut même pas y toucher. Tu aurais quelqu'un de nous. Je peux dire qu'il faut être très volontaire, mais en même temps, très délicat, très, Éventuellement, tu peux être capable de concentrer ton énergie. Fait que si t'es un taureau d'une affaire de porcelaine, tu devrais être capable de marcher autour de la porcelaine. Oui, tu ne pas à briser. C'est drôle, là, aussi qu'on parle de cul, ça vibre. C'est ça une vibration. C'est ça une vibration. Encore la vibration, pour répondre à ta question, Aimée, c'est que quand tu sens la vibration, il y a une souffrance. Quand tu ne sens pas, t'es bien. Tu la sens même de façon fait. Si tu la sens pas, reste la bête. Parce que quand tu la sens, il y a une souffrance automatiquement. Mais seulement que la valeur de la sentir, éventuellement, c'est que ça t'amène à développer de la volonté et de l'intelligence. Parce que tu la sens, tu vois, à condition qu'il te fasse sentir, tu meurs dedans. C'est là que tu développes la volonté de l'intelligence. C'est ça que je dis tout le temps. D'ailleurs, la souffrance initiatique, c'est la perception de cette vibration. C'est ça. C'est comme les courants électriques qui passent dans le corps. C'est un courant. Tu le sais. La souffrance, c'est de la résistance. Je veux dire que quand t'es intelligent, tu mets plus de résistance, donc t'agis. C'est ça. On va répéter dans ça. La souffrance, c'est de la résistance qu'on met. Non. La souffrance, c'est une énergie. L'énergie passe, ça fait vibrer le corps astral en relation avec une situation extérieure. Tu développes la résistance. L'énergie passe encore, elle fait vibrer le corps astral en relation avec l'extérieur, tu développes la résistance. Mais éventuellement, t'es écœuré de la résistance, c'est là que tu m'arrêtes là. La volonté, elle vient tard dans l'évolution. La volonté et l'intelligence vient après la conscientisation des corps. Le développement vibratoire des corps. C'est comme, juste un petit exemple, je pense que c'est... La semaine dernière, j'étais en train de parler avec des gens, j'ai dit, de façon intégrale, trois mots que toi, tu avais prononcés. J'ai jamais pu le redire. Là, je me suis sentie comme ça. Là, je savais que j'émettais une vibration ou je la recevais, je sais pas. Automatiquement, j'arrêtais là. Je sais que ça va servir de telle sorte que je m'éloigne de cette personne-là parce que je vais me poser des questions. Mais si tu veux, je vais me la faire seulement. Mais pour moi, ça a été comme une petite vibration. Mais dans ce temps-là, c'est du moi uniquement qui la reçoit et c'est ça. Mais la vibration est toujours perçue par toi-même. Par moi. Tout le temps. Tu crées une inspiration, même si tu crées un champ vibratoire et l'autre personne en est affectée. Mais, si tu as de la résistance, ça canalise, tout en est pas fait. Oui, mais t'es sûr que tu en étais conscient. Bah, tu peux en être conscient, mais faut pas que t'en sois fait.

L'ego s'immortalise, se sert de l'énergie de l'âme parce qu'il y a la volonté cosmique et l'intelligence cosmique pour créer des formes qui servent à développer une civilisation future. Ça veut dire qu'à ce moment-là, je suis plus en évolution, je suis dans l'évolution. T'es dans l'évolution. C'est ça. Faut que l'ego soit dans l'évolution, pas l'évolution. T'as assez l'évolution. C'est sûr. C'est là que tu rentres dans la phase du sur. T'arrêtes de chercher à ce moment-là, puis tout ce que tu fais, c'est conscientiser tes corps. C'est comme si le goût allait couler une rivière du train, c'est ça. C'est ça. Puis essaie de rentrer dedans. Comme chauffeur. C'est le bras, tu vas c'est parce qu'on était conditionné à penser autrement. On était conditionné à des formes qui font partie de l'évolution. Il faut qu'on en sorte complètement de ça, sans ça on ne peut jamais rentrer dans l'évolution. Notre problème, c'est pas l'évolution. Notre problème, c'est la destruction des formes. Une fois qu'on détruit les formes, on rentre automatiquement dans l'évolution. La preuve, c'est qu'on est plus pareil, on ne veut plus pareil, on sent plus pareil, on se sent plus pareil. On voit plus les autres pareil. On devient autonome, on devient centré. On se fout tout, on se fout de rien. Puis on est dans une période matérielle, transitoire, pour passer un autre stage. On sort de l'existence pour entrer dans la vie. Puis c'est tout vibratoire, cette affaire-là. C'est pas psychologique, c'est tout vibratoire. Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour diminuer le radetage de ma mémoire dans mon présent? Tu peux pas parce que ça fait partie de ton tempérament, ça va s'ajuster graduellement. T'as rien à faire. Ah non, toi, il faut pas que tu fasses aller sur tout. Faut pas que tu fasses rien. Laisse-toi faire. Là, je te dis, quand tu rentres dans le champ vibratoire de l'âme, t'as sens cette énergie-là tout le temps. T'as rien à faire. Elle s'en charge en maudit. C'est parce que je dis rien. C'est ça. Bon. C'est ça que je te dis. Je t'ai rien à faire. Attends, ça va se tasser. Tu peux pas empêcher ça. C'est là qu'il se fait le travail. On n'a rien à faire. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous autres, nos égaux? On subit l'énergie, puis on subit l'énergie, puis ça se passe, ça devient un, l'âme, puis l'ego. Fait qu'à ce moment-là, là, tu peux travailler avec. Parce qu'on sort de la spiritualité, puis on sort du matérialisme pour entrer dans la conscience pure. Toutes les conditions qui étaient bonnes avant, qui faisaient partie de l'évolution, ils ne nous servent plus. Ok. Je vous le dis, plus vous allez vous parler, plus vous allez comprendre, plus vous allez savoir ce que vous savez, plus vous allez savoir ce que vous savez, plus vous allez pouvoir comprendre ce que vous savez. Mais c'est très important pour vous autres de vous parler les uns les autres. Puis vous prendre objectivement quand vous parlez. Il y en a de plus en plus de gens qui peuvent parler de plus en plus précisément. Mais ne discutez pas, par exemple, vous autres. Si vous discutez, vous allez perdre de l'énergie automatiquement. Mais comment ça se fait qu'à un moment donné, tu dis que vous allez parler de plus en plus précisément, mais comment ça se fait qu'à un moment donné, tu régresses aussi à ce niveau-là? Oui, tu régresses au niveau de quoi? C'est-à-dire, au niveau de... du mot exact. Moi, je suis rendue de certaines périodes là, où j'en ai de la difficulté à parler ou à trouver. Ouais, mais c'est parce qu'il te bloque. Il faut créer encore la patience pour encore travailler sur l'ego. Parce que l'ouverture du centre mental de l'ego, c'est toujours en relation avec un travail qui se fait. Éventuellement, ça sort. Je pense que si vous bloquez pas, vous seriez dans une énergie très forte. Puis, cette énergie-là, en passant, va descendant dans vos corps, dans vos sangles, elle troublera vos sangles. Fait qu'il vous en donne un petit peu, puis vous en avez un petit peu, puis vous en avez. Conditionne, déconditionne. Éventuellement, tout dedans. C'est un pouvoir, la parole. Tu peux pas avoir la parole de défaire tout. Si t'as la parole, c'est très facile si t'as la parole de détruire. Autant tu peux construire avec la parole au but, autant tu peux détruire. Qu'est-ce qui arrive des gens qui sont des démagogues comme Hitler? Y a l'exemple. Ils n'ont la parole. C'est pour ça que les gens ne doivent pas croire. Parce qu'un gars qui a la parole, s'il croit, la parole est tellement grande. T'en vas. Impressionnant. Moi, j'ai un ami qui était à Nuremberg, pis il disait, viens, je t'en regarde là, t'étais anti-Hitler, tu sors dans le là, t'étais pour lui. C'était pas un yo-yo, le gars. C'est peut-être des hommes les plus intelligents que je connaisse. Tu rentres à Nuremberg, t'es pour lui. T'es pas pour lui, pis quand t'en sors, t'es pour lui. Fait que c'est pour ça que nous autres, on doit pas croire. On doit pas croire. Good. La parole, c'est un couteau à deux tranchants. T'as le pouvoir, d'abord. Et que le pouvoir, moi, j'avais le pouvoir. Mais faut que les gens sachent, par eux-mêmes, d'où ce qui va le pouvoir, d'où ce qui mène le vol, le pouvoir. Il domine-tu l'homme, là, il libère l'homme. C'est avec l'homme qui peut savoir. Moi, je suis pas pour te dire, je suis dans le monde pour te libérer. Le gars qui me demande à la conférence si j'ai une mission. Ça ne veut pas créer des femmes, ça veut les détruire, les femmes. L'orgueil, Bernard, je vois ça comme pas de la peine. Il y a bien des subtilités dans le gouvernement.